à la cinquième. Freedom Vesting. So, oh, oh, I see. Freedom, freedom, I found in Jesus. Oh, oh, oh, oh, oh. Helpless, helpless from Christ. Oh, oh, oh, oh. Freedom, freedom, I found in Jesus. Oh. À la quatrième place. Itamo, best friend of God. Itamo, Yesu Christu, Abugami. Yesu niwe byizigiro byo kubaho. Itamo Yesu Kristu hakugami. Yesu niwe byizigiro byo kubaho. À la troisième place, My Redeemer, chanté par The Sons of the Morning Star. À la deuxième place, Ibisazi, Prince Mushindi, Eve et Big Zoe. À la première place, qui est aussi la chanson de la semaine. You're in the mix with DJ Prince. Désormais, vous pouvez nous aider à faire un classement des 5 chansons les plus aimées du moment. Allez sur notre page Facebook et choisissez la chanson que vous préférez. Vous pouvez également nous envoyer un texto sur 79-402-336. 79-402-336. Wahoo, best friend of God. Yes, I'm a fool, I'm a shizzy.